Si Copernic nagea, mais était inquiété par les ecclésiastiques autorités. Oui, l'UE et les A ont bien créé le GMES avec les USA et l'aide précieuse du CNES. Copernic est un acrobate entre le sacré et les sciences fines. Copernicus, lui, il est sacré. Ment accro aux acronymes. Ça, on peut le dire, ouais. Dans le monde des ingénieurs, dans le monde du spatial, ça, les acronymes, on n'y coupe pas. Il y en aura ce soir, ne vous inquiétez pas, évidemment. Mais on vous traduira tout parce qu'on est là pour ça. Alors, vous savez que la Terre ne se porte pas bien. Si on parle du niveau de la mer, de la fonte des glaciers, du changement climatique, de la désertification, de la déforestation, l'épuisement des ressources et encore beaucoup, beaucoup d'autres problèmes. Bref, il faut un système pour surveiller l'état du patient, le monitorer, on dirait ça à l'hôpital, hein, le monitorer, eh bien, c'est Copernicus qui s'en charge. Copernicus est un ensemble de plusieurs satellites spécialisés qui couvrent pratiquement toute l'étendue des problématiques terrestres depuis l'espace. Alors c'est l'observation en tout cas des surfaces continentales, de l'océan, du changement climatique, de tout ce qui est atmosphère, tout ce qui est air, qualité de l'air. La gestion des catastrophes aussi, qu'elles soient naturelles ou qu'elles soient d'origine humaine. Et puis certaines questions de sécurité également peuvent être monitorées depuis l'espace. Alors, ce n'est pas un programme de démonstration, c'est vraiment un programme opérationnel qui fournit au jour le jour des quantités absolument faramineuses de données qui sont essentielles pour prendre le pouls de la planète et évidemment essayer de répondre aux problèmes qu'on aura identifiés. C'est un magnifique programme qui nous est envié et avec une forte actualité puisque dans 15 jours, il y a un nouveau satellite du programme Copernicus, donc une nouvelle Sentinelle, comme on les appelle, donc un nouveau satellite du programme Copernicus qui va être lancé, c'est Sentinelle 3B. Alors comment est-ce que ces données sont utilisées par les utilisateurs? Pourquoi est-ce que l'Union européenne s'est tout à coup sentie une envie de s'investir dans le spatial? Il y avait le programme Galileo déjà, mais ça y est, l'Union européenne étant vraiment en train de prendre beaucoup d'espace dans le spatial, si je puis dire. Comment développer de nouvelles applications, des applications, du business, peut-être créer des emplois, évidemment, à partir de toutes ces données qui sont très précieuses? Et puis, quel avenir pour le programme au moment où les États doivent recommencer, se réengager en tout cas pour son financement? Eh bien, on va en discuter. On va en discuter avec vous. Je vais vous passer le micro. Vous allez pouvoir discuter directement avec nos deux intervenantes. C'est rare qu'on ait deux intervenantes. Merci beaucoup de les accueillir, s'il vous plaît. C'est Véronique Mariette et Isabelle Bénézette. Merci beaucoup à toutes les deux d'être là. Moi, je m'appelle Paul Debrem et je suis animateur d'événements scientifiques et techniques et ravi d'être avec vous. Je voulais vous signaler le hashtag KnessTweetUp si vous voulez participer, en tout cas, participer au débat, non seulement ici physiquement, mais aussi sur la twittosphère, donc KnessTweetUp. Et puis voilà, on a envie de vous entendre maintenant, mesdames. Est-ce que vous voulez bien vous présenter, nous dire qui vous êtes, Véronique Mariette? Bonsoir à tous. Bon appétit pour ceux qui mangent. alors donc, moi, Véronique Mariette, je travaille donc au CNES, à la direction de l'innovation, des applications et des sciences. Et je suis dans l'équipe Terre, Environnement, Climat. Et au sein de cette équipe, je suis chargée des relations avec l'ESA. Donc l'ESA, c'est encore un acronyme, Agence Spatiale Européenne, et des relations également avec la Commission Européenne, sur ce qui concerne tout ce qui est mission d'observation de la Terre. Voilà, donc d'où Copernicus, qui est un programme de l'Union Européenne. Alors donc vous êtes au CNES, avec vous on va surtout voir les aspects programmatiques de Copernicus, de ce vaste programme, parce que vous suivez ça de très près. Et puis à votre côté, donc Isabelle Bénézette. Oui, bonsoir, donc je m'appelle Isabelle Bénézette, je travaille au ministère de la Transition écologique et solidaire et à la direction de la recherche et de l'innovation. Et je suis en charge de la mission qui s'occupe de l'observation de la Terre, du changement climatique et de l'océan. Et donc, dans le cadre de cette mission, on est en relation avec le CNES pour tout ce qui est observation spatiale, puisque c'est un moyen très efficace d'observer la Terre de façon globale. Et donc Copernicus, évidemment, puisque le ministère est un des premiers clients du service Copernicus en tant qu'utilisateur. Le ministère donc, de la transition écologique et solidaire, donc le ministère de l'Environnement, hein, pour le dire vite, vous êtes l'un des utilisateurs principaux des données Copernicus. Oui. Vous êtes là en partie, notamment à ce titre d'utilisateur. Donc ces données, elles sont vraiment utiles, je le disais en introduction, mais on a besoin de l'entendre de votre bouche. Alors oui, elles sont utiles et utilisées. Bon, peut-être on verra au cours de ce dîner tous les types d'utilisation possibles de ces données. Mais nous, les utilisations déjà en tant que ministère, hein, puisqu'il y a des services de Copernicus sur tous les grands thèmes de l'environnement, dont l'océan, l'atmosphère, le territoire, les services sécurité et le service emergency. Et tous ces thèmes concernent le ministère. Donc comment on les utilise ? Par exemple, sur le service qualité de l'air, donc atmosphère, environnement atmosphérique, les équipes du ministère qui sont en charge de la qualité de l'air utilisent les prévisions de ce service. Donc on s'arrête pas aux données spatiales, hein, on intègre ces données spatiales dans des modèles de prévision, dans des simulations numériques qui produisent ensuite des cartes de prévision. Et c'est grâce à elles, entre autres, que nous avons les alertes qui sont émises, les alertes à la pollution, à l'ozone, etc. Et ça nous permet donc de suivre vraiment en temps réel ce qui se passe. Et le ministère est vraiment utilisateur final de ces données. Il y a 10 ans, il n'y avait pas encore les satellites Sentinel de Copernicus. Et pourtant, on avait déjà des prévisions et ce genre de choses-là. Alors qu'est-ce que ça a changé finalement, ce Copernicus ? C'est exactement comme pour la météorologie. C'est-à-dire on a fait de la météorologie depuis les années 1870 de façon organisée. Et les satellites ne sont apparus que dans les années 1980. Mais l'importance d'avoir une surveillance globale du globe, donc l'ensemble du monde est surveillé par les satellites Sentinel, ces données sont ensuite intégrées dans les modèles, ce qu'on appelle l'initialisation des modèles, l'assimilation. Et à partir de là, on a un état initial de la qualité de l'air de l'atmosphère qu'on peut faire évoluer. Et c'est parce qu'on a cet état initial précis et complet qu'on fait de bonnes prévisions. Sinon, elles sont moins bonnes. On les fait quand même, mais elles sont moins bonnes. D'accord. Et j'aimerais bien essayer de sentir avec vous à quel point Copernicus a changé les choses. Vous avez utilisé le mot de révolution. Mmh. Moi, je ne vous l'ai pas mis dans votre bouche. C'est vous qui l'avez utilisé quand on s'est parlé. Mmh. Ce sont les utilisateurs qui le disent, ce n'est pas nous. Parce qu'en fait, ce qui est vraiment une révolution dans Copernicus, c'est le fait d'avoir des données de façon environnementale, qui sont opérationnelles, qui sont sur tout le globe, avec un engagement de la Commission européenne de les poursuivre dans le temps, donc un engagement de continuité, et puis une revisite régulière de quelques jours. Donc tous les quelques jours, on voit le même endroit de la Terre, on mesure les mêmes endroits de la Terre, et ça a vraiment une grande valeur pour les utilisateurs, pour l'historique, et que ce soit des utilisateurs qui viennent du monde de la recherche ou des utilisateurs chez nous qui veulent parfois remonter dans le temps et regarder ce qui a précédé une catastrophe qu'ils ne pouvaient pas prévoir, par exemple. Quel était l'état quelques jours avant une catastrophe ? Joseph Aschbacher, voilà, c'est ça, qui est directeur des programmes d'observation de la Terre à l'Agence spatiale européenne et qui a dit « Avec Copernicus, je peux affirmer sans fausse honte que l'Europe a remplacé les États-Unis pour prendre le leadership dans le domaine de l'observation de la planète ». Véronique, oui. Mariette. Oui, je pense, parce que Copernicus, c'est quand même, je crois, au niveau mondial, un des plus grands programmes d'observation de la Terre. On couvre avec l'ensemble des sentinelles, plus avec toutes les missions qu'on appellera des autres missions. Hein. Il n'y a pas que les sentinelles qui sont utilisées pour produire des informations utiles. On utilise également, en complément, des missions nationales, internationales, européennes, pour compléter les données d'observation de la Terre. On a donc tout un panel... C'est d'abord les satellites Sentinel. C'est d'abord les Sentinel. Il y a 6 familles de Sentinel. Il y a 6 familles de Sentinel. Et pour chacune des familles de Sentinel, nous avons 2 unités, 2 missions qui sont en orbite. Donc à ce jour, il y a... Ça, c'est l'objectif, ça, c'est pas encore... C'est, à ce jour, il y a six sentinelles qui sont lancées. Donc, et on attend une septième qui doit être lancée dans 15 jours, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, on a cette panoplie de données, de mesures, et surtout, toutes ces données sont libres et gratuites. Donc, tout utilisateur, tout citoyen peut les utiliser, non seulement les décideurs, les autorités, les institutionnels, les autorités publiques, mais vous, citoyen, vous voulez demain une information, une donnée, vous pouvez l'utiliser, vous pouvez y avoir accès de façon libre et gratuite. Donc, c'est quand même le premier programme global d'observation de la Terre qui est accessible à tous. Et c'est un énorme progrès aujourd'hui avec cette panoplie de mesures qui existent. Et on parlait de leadership. À quoi est-ce que ça tient le leadership ? Parce qu'avec six satellites, on prend le leadership ? Ou est-ce que c'est le programme, une fois qu'il sera complètement développé, qui montrera qu'on a vraiment pris le leadership ? Ce qui est vraiment original, c'est l'engagement de l'Europe sur l'environnement et l'engagement de l'Europe dans ce programme, dans la durée. C'est-à-dire que là, on s'est engagé... Pour ce programme cadre financier qui est en cours, mais également on sait qu'on va s'engager sur le suivant, donc 7 ans de plus, et on sait que l'Europe n'abandonnera pas Copernicus à court terme. Donc c'est cet engagement dans le temps, cette régularité qui est exceptionnelle, qui est unique au monde et qui est enviée par beaucoup de pays en fait. Mais comme les deux... par beaucoup de pays, vous confirmez, oui. Véronique Mariette ? Oui, enfin, tous les nombreux, enfin, les pays européens se sont engagés dans cette voie, dans ce chemin. Je crois qu'aujourd'hui, après un certain nombre d'années de mise en place de Copernicus, qui est opérationnel, on peut dire, depuis 2014, mais il faut savoir que Copernicus est né en 1998. Donc, et en mai 1998, donc on va fêter les 20 ans de Copernicus aujourd'hui. C'est quelque chose... À l'époque, ça s'appelait GMES. Ça s'appelait GMES, voilà. Global Monitoring Environment and Security. Donc voilà, et en 2012, c'était, je crois, le commissaire Tajani qui était donc directeur de la direction générale entreprise, industrie, quelque chose comme ça, la commission européenne, qui a décidé de changer le nom et de s'approprier le nom de Copernicus. Alors, c'est il y a sûr eu que GMES, c'était pas... Oui, GMES, on l'appelait GMES, ouais, on l'appelait pas GMES. Je sais bien. Mais même GMES, non, ça n'emportait pas l'imaginaire, ça manquait un peu de... Oui, mais ça disait ce que ça faisait. Ah oui, c'est sûr. Et parfois, on peut perdre l'objectif. Or là, on ne pouvait pas le perdre. Oui, d'accord, Il était dans le nom. D'accord. Alors vous avez sur vos tables un petit livret, comme à chaque fois. Et alors, la première page, la couverture, ce sont des feux qui ont été photographiés par Sentinelle 2, c'est possible ? Oui, Sentinelle 2. Donc, ce sont des incendies qui ont lieu en Californie l'été dernier, si je ne m'abuse. Et donc, elle est vraiment absolument spectaculaire, cette image. Donc, c'est vraiment impressionnant. Alors, si on tourne, si on va page 2, donc, on a nos quatre satellites. Est-ce qu'on peut les décrire, là, en quelques... rappeler ce qu'ils font. Alors, c'est quatre familles de satellites. Vous m'avez dit qu'il y en avait six ? Oui, il y en a d'accord, six. D'accord, d'accord. Il y en a six. Alors, il en manque deux. Ouais. Il manque il manque la 4 et le 6. Voilà. La Sentinelle 5P. Le 5, c'est 5P. Bon, bref. Sentinelle 1, qu'est-ce qu'on fait avec Sentinelle 1 ? Alors, c'est du radar, Sentinelle 1. Donc, ça nous permet un radar en bande C qui nous permet d'avoir des informations. Donc, d'abord, tout temps. Le radar, on peut voir à travers les nuages. C'est quand même très important. Tout temps, donc, et puis jour et nuit. Donc, on a des informations qu'on acquiert tout le temps. Parce que ça ne va pas de soi pour tout le monde. Mais oui. Enfin, effectivement, dans l'optique, dans le visible, quand on a une caméra voilà. simple, quand on a des nuages, on est bloqué par les nuages, voilà, évidemment, et par la nuit. Voilà, exactement. On prend des images, on verra des informations sur la Terre que lorsqu'il n'y a pas de nuages et de jour, effectivement. Donc, Sentinelle 1, c'est donc la famille des radars, des sentinelles radars en bande C, et qui vont nous fournir des informations sur l'Arctique, sur les glaces polaires, sur la mer, on va pouvoir voir des suivis de pollution, de dégazage en mer, Terre grâce aux données radar. Oui, parce qu'une nappe de pétrole, il n'y a pas de vague sur la nappe de pétrole. Hein, donc, si d'un seul coup, au milieu de l'océan, on voit une zone un peu plate, si je puis dire, ça veut dire que là, il y a probablement... Oui, il s'est passé quelque chose. Quoi. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est les familles donc Sentinelle 1. Sentinelle 1, ça a été la première Sentinelle qui a été lancée en avril 2014 et qui a été suivie 2 ans après par son jumeau, Sentinelle 1B, donc Sentinelle 1A et Sentinelle 1B, et qui nous permettent finalement d'avoir des informations tous les 6 jours sur un point donné. Donc c'est quand même important. On a une revisite grâce à ces 2 satellites. On a une revisite donc qui est tout à fait intéressante. Voilà, au minimum de 6 jours. Voilà. Sentinelle 2, c'est la famille optique, hein, c'est des missions donc multispectrales optiques qui enregistrent des données dans différentes bandes spectrales. On en a 13 sur Sentinelle 2 et ça va donc avec une résolution au sol de 10 mètres à 60 mètres. 10 mètres pour 3 de ces bandes spectrales, 20 mètres pour 4. On est entre le visible et visible, proche infrarouge, moyenne infrarouge. Et il y a quelques bandes spectrales qui servent à faire des corrections atmosphériques. Hein. Il faut corriger toutes ces informations avec... voilà, donc Alors, on choisit des bandes spectrales, pour le dire vite, une bande spectrale, c'est juste regarder la lumière dans une certaine fréquence, une espèce de petite bande, si je puis dire. Hein, la lumière, on ne regarde pas toute la lumière, tout le blanc, si je puis dire, mais on regarde dans certains petits endroits. Absolument. Parce qu'il y a des bandes spectrales de la lumière qui sont particulièrement intéressantes et qui renseignent sur un certain nombre Dans l'infrarouge, ouais. La végétation n'absorbe pas du tout l'infrarouge, donc réfléchit l'infrarouge, et donc si on a une image, je dirais en couleur, enfin en infrarouge, à ce moment-là, votre image, la végétation apparaîtra toute rouge, parce que elle n'absorbe pas cette longueur d'onde, enfin de l'infrarouge, et donc du proche infrarouge, hein, et donc elle va le réfléchir et on aura la végétation qui apparaîtra toute rouge. Alors c'est la même chose. Alors, donc ça permet notamment de suivre la végétation Sentinelle 2, non ? Ah oui, Sentinelle 2, c'est vraiment la famille des Sentinelles. Notamment, on peut voir la teneur en chlorophylle des feuilles. Absolument, puisque justement, elle est très sensible au rouge, au vert, au proche infrarouge, moyenne infrarouge qui peut être utilisée également. Donc, cette famille de Sentinelles est très utilisée. Le grand public comprend mieux parce que on a une image qu'on peut mettre en soit des images en fausse couleur quand on traduit effectivement ces informations rouges. On n'a pas l'habitude de voir la végétation en rouge, hein, mais si nos yeux pouvaient voir dans l'infrarouge, on verrait la végétation en infrarouge, donc en rouge. Donc ces informations sont utilisées pour tout ce qui est cartographie d'occupation du sol, végétation, agriculture, suivi du côtier, donc on a sur tout ce qui est surface continentale, on a des informations qui sont très intéressantes avec ces familles de Sentinelles. Alors Sentinelle 1 radar, Sentinelle 2 optique multispectrale, Sentinelle 3, c'est une mission qui est vraiment réalisée pour l'observation des océans et des continents. Pour faire court, simple. Sentinelle 3 a plusieurs instruments à bord, embarque plusieurs instruments et nous avons 3 instruments principaux, je dirais. Un radar altimètre qui va nous permettre de mesurer notamment la hauteur des océans. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir le changement, enfin la variation de la hauteur de l'océan, d'avoir un suivi des glaces polaires. C'est très très important à l'heure du défi du changement climatique. Hein. C'est quelque chose d'essentiel. Deuxième type d'instrument, c'est un instrument couleur de l'eau, qui est un spectromètre imageur, qui va prendre des informations sur une eau, par exemple, où le phytoplancton est très important. On va pouvoir voir très, très bien avec donc, la pollution, les sédiments. Donc c'est un suivi sur la biogéophysique de l'océan qui est très intéressante. Ensuite, le troisième instrument à bord de Sentinelle 3, c'est un instrument qui est un radiomètre imageur et qui va nous donner des informations sur la température de l'eau ou sur la température des continents, des surfaces continentales. Donc là aussi, très important à l'heure du défi du changement climatique. Voilà, donc Sentinelle 3, vraiment... Pourquoi on n'a pas Sentinelle 4, là? Ah ben parce que Sentinelle 4 n'est pas encore... Sentinelle 4, la famille des Sentinelle 4, est une famille de Sentinelles qui est destinée à nous donner des informations sur la qualité de l'air, sur la composition de l'atmosphère. Mais Sentinelle 4 ne sera lancée qu'en 2022. Et Sentinelle 4, ce n'est pas une mission en tant que telle. Sentinelle 4, c'est un instrument qui sera embarqué sur des satellites météo, et notamment sur le satellite MTG, Météosat 3e génération, c'est ça, et donc qui sera lancé en 2022, voilà, et qui est développé notamment par EUMETSAT. Et puis on a Sentinelle donc 5P, qui a déjà été, voilà, comme précurseur de la famille des Sentinelles 5. Donc Sentinelle 5P, c'est un spectromètre imageur qui a été lancé, Sentinelle 5P, le 13 octobre dernier. Alors il va nous donner des informations assez globales sur la planète et il est un précurseur de la famille des Sentinelles 5, donc qui nous donneront des informations sur la qualité de l'air, composition de l'atmosphère. D'accord. Voilà. Et vous me dites qu'il y avait 6 familles, alors il y a Sentinelle 6 qui arrive. Voilà, on a une famille des Sentinelles 6. Sentinelle 6, c'est c'est une famille d'altimètres. Un altimètre un petit peu spécial qui n'est pas l'idée, bon à dire, ouais, de mesurer la hauteur, voilà, la hauteur des eaux, hein, d'océans, des océans, notamment, ouais, des lacs, des grands lacs, des rivières. Donc Sentinelle 6, il va être utilisé en synergie avec justement l'altimètre de Sentinelle 3, notamment, pour avoir des mesures assez performantes sur la hauteur des océans. Voilà. Et Sentinelle 6, lui, sera lancé dans les années 2020. Sachez donc que monsieur le radar, il en est, tout le monde est unanime. Messieurs, dames, je l'ai appris hier soir, lui aussi, il est un acronyme. Ah, c'est vrai ça, c'est vrai, et ça s'applaudit même, bravo. Merci. Alors j'ai envie de vous passer la parole directement, voilà, on a commencé à discuter de ce Copernicus, et il y a encore plein de choses à se dire, et donc je viens jusqu'à vous et vous pouvez discuter directement avec Véronique Mariette et Isabelle Bénézette. Voilà, la parole est à vous. Je vois des mains qui se lèvent, mais elles se lèvent soit pour se gratter le menton, soit pour remettre les lunettes en place. Et là, on a une main qui monte jusqu'au ciel. Bonsoir. Je voulais poser une question sur les programmes concurrents ou partenaires ou complémentaires. C'est justement ça qui m'intéresse. Notamment, on parle beaucoup de Planet Labs et de leurs tout petits satellites. Et on dit que c'est super parce qu'ils peuvent faire des miracles. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et comment vous les voyez comme complémentaires, comme concurrents? Merci. Merci de cette question. Mais bien sûr, on s'intéresse à ces petits satellites, à ces nanosatellites et on pense... Alors aujourd'hui, ben, on les prend en considération. Je vous ai dit qu'il y avait ces familles de sentinelles, hein, dans Copernicus qui sont des missions qui sont dédiées à Copernicus. Elles sont développées dans le cadre de Copernicus avec des budgets spécifiques à Copernicus. Mais on ne se sert pas que de ces missions-là. Il y a des missions contributrices qui sont d'autres missions. Et ce type de satellite, hein, dont vous parlez, bien sûr qu'il faut en tenir compte. C'est ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, le New Space. Et naturellement qu'il faut qu'on en tienne compte et il va falloir qu'on l'intègre dans nos, dans toutes nos informations, dans toutes nos données. Et c'est pour ça que vous voyez bien que ça va générer un nombre phénoménal, un volume considérable de données, et que aujourd'hui, la révolution justement du numérique va nous permettre de, d'intégrer cette quantité énorme de données, dont ces nouveaux satellites. Aujourd'hui, on n'en a pas encore fait la démonstration, mais petit à petit, on va regarder les informations qu'ils fournissent. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, mais on va bien sûr s'intéresser à cette nouvelle vague, je dirais, de satellites plus petits, plus conséquents, ces constellations. Isabelle, tu veux peut-être rajouter. Oui, ce qui est certain, c'est quelque chose qu'on a appris au travers des simulations numériques, notamment celle de Météo France. Au départ, on pensait qu'il fallait choisir bien ses données, avoir des données absolument parfaites et les intégrer dans des modèles en les triant. Donc effectivement, il faut quand même les trier un peu. Mais avec l'expérience aujourd'hui, on sait que plus on a d'informations, meilleur on est. Donc on a tout intérêt à absorber le maximum d'informations comme des éponges, hein, à condition bien sûr qu'on sache d'où viennent ces données, qu'elles n'ont pas été déformées, truquées, évidemment. Alors on a avec nous Juliette Lambin du CNES, et j'aurais envie de vous entendre sur ce sujet-là. Juliette Lambin, vous allez nous dire exactement quel est votre poste, hein, vous êtes une responsable du CNES sur ces sujets-là. Et voilà, il y a la question des nanosatellites quand même qui est posée, avec ce terme de miracle qui a été utilisé tout à l'heure. Donc, et certains imaginent même qu'on pourrait tout faire avec des nanosatellites qui coûtent bien moins cher, j'imagine, que tout ce qui est prévu là. Donc, quelle est la place respective de gros programmes comme le programme Sentinel et la place de nanosatellites comme Planet Labs ? Alors, bonjour, oui, donc je suis Juliette Lambin, je travaille au CNES dans la même direction que Véronique, je suis en charge du programme d'observation de la Terre. Donc effectivement, depuis quelques années, à côté des programmes traditionnels montés par les agences spatiales, donc souvent des satellites très ambitieux, puisqu'on veut être à la pointe de ce qui peut se faire, il y a un secteur du New Space qui se développe sur deux éléments. D'une part, un accès assez facilité à la technique de petits satellites, de petites plateformes, et d'autre part, à l'irruption de financements qui viennent plutôt de l'économie numérique, qui sont prêts à s'aventurer dans ce genre de défi. Aujourd'hui, les secteurs de marché, parce que ça reste un business ciblé par des entités comme Planet Lab, c'est essentiellement des marchés derrière de gens qui seraient prêts à payer pour avoir de l'image sur leur zone avec une très forte revisite. Donc on cherche des petits systèmes, mais avec beaucoup de satellites. Il y a deux grands éléments différenciants. Donc il y a cet aspect-là de mettre en place un système pour quelques clients versus, dans le cadre de Copernicus, de servir l'ensemble de l'Europe, de tous les besoins utilisateurs européens. Et l'autre dimension, c'est de rechercher le service minimum pour de faire des images simples, et puis c'est le client ou derrière des systèmes de traitement de données massifs qui vont essayer d'exploiter ça, versus dans le cadre de Copernicus, une vraie gestion de l'erreur, de pouvoir avoir des images qualifiées, sans incertitude, sur des mesures qui sont beaucoup moins intuitives qu'une simple image optique. Merci beaucoup. Je crois qu'effectivement, on voit qu'il y a deux modèles là, qui ne sont pas forcément du tout en concurrence, mais qui effectivement ont des choses à se dire. Il y avait une question par ici. Bonsoir. Ma question portait sur l'acheminement et la gestion des données une fois qu'elles sont accumulées, parce qu'on peut très bien imaginer que des satellites comme ceux du programme génèrent des quantités phénoménales de données et que à la fois les acheminer comme les traiter ne sont pas une chose évidente. Alors je sais que l'ESA a commencé le programme de Space Data Highway l'année dernière en lançant des satellites qui communiquent par laser. Est-ce que c'est appliqué aux satellites du programme Copernicus, ou est-ce que c'est encore en phase expérimentale? Et est-ce que les données, une fois récupérées sur les stations sol, sont traitées par des ingénieurs ou des computer scientists qui travaillent dans le big data, etc.? et pour clarifier ces données qui sortent brutes des satellites. Alors, on a une première question sur EDRS. Donc EDRS, c'est quand même quelque chose de tout à fait étonnant. Là aussi, c'est une première mondiale européenne avec l'idée de transmettre les données par laser et non pas par de l'hertzien. Oui, alors c'est implémenté sur les satellites de Copernicus et ça nous permet d'avoir des données quasi temps réel, ce qui est important pour les utilisateurs, hein, notamment pour la surveillance maritime. Entre le moment où on observe un bateau en infraction et le moment où on reçoit l'information, il faut que le temps ne soit pas forcément le plus court possible. Enfin, il faut qu'il ne se passe pas plus d'une demi-heure. Donc, ça demande effectivement des moyens particuliers. Donc, oui, c'est implémenté sur les sentinelles. Et alors, justement, pour ce qui est l'utilisation des données, il y a un programme à l'ESA qui est financé par la Commission européenne. Hein, est-ce qu'on peut juste rester sur EDRS une seconde? Oui. Donc, pour qu'on comprenne bien le principe, hein, l'idée, c'est qu'on a un satellite géostationnaire, donc, c'est-à-dire qui reste au-dessus du même point du globe en permanence, parce qu'il se situe, il tourne à la même vitesse que la Terre, donc il reste au même endroit. Et donc, il reste au-dessus de la station Sol en permanence, il est très haut dans le ciel. Et puis, on a nos satellites sentinelles qui sont beaucoup plus bas, quoi. C'est à quelques centaines de kilomètres d'altitude, 700, quelque chose comme ça, non? Je ne sais pas. 700 kilomètres d'altitude. Voilà, et donc il tourne à cette altitude-là. Donc il voit, dès qu'ils ne sont pas derrière la Terre, eh bien ils ont ce satellite géostationnaire en vue en permanence, et donc ils peuvent transmettre par laser les données qu'ils possèdent directement à ce satellite géostationnaire, qui lui va les renvoyer au sol. Et l'intérêt, c'est que le satellite Sentinelle n'a pas besoin de faire éventuellement tout le tour de la Terre pendant 90 minutes pour se retrouver lui au-dessus de la station Sol. Hein. Donc c'est ce temps-là qu'on économise. C'est c'est EDRS, une première européenne. Donc vous dites que c'est aujourd'hui, c'est mis en place avec Sentinelle. Ça fonctionne en routine ou c'est en cours ou... Oui, ça fonctionne. Hein. Ouais, ça fonctionne. Bon, très bien, parfait. Ouais. Alors ensuite, il y avait une autre question sur toutes ces données. J'ai lu qu'il y avait... Attendez, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu 10 pétaoctets de données par an. Oui, c'est à peu près l'ensemble des sentinelles aujourd'hui. Hein. Il n'y en a que 6 en l'air. Et aujourd'hui, c'est à peu près 12 téraoctets par jour. Par jour. Voilà. C'est donc, ça. Donc ça veut dire 12 téraoctets, c'est 12 000 gigaoctets. Je sais plus. Donc, vous voyez ce que c'est que le gigaoctet, ça fait 12 000 gigaoctets par jour. Voilà, donc c'est des pétaoctets par an. Oui. Et on n'est qu'à 6 satellites. Il faut imaginer que dans 10 ans, on aura 20 satellites sentinelles, rien que sentinelles qui tourneront autour de la Terre. Dans 10 ans, 20 satellites. Oui, ah ouais. À peu près. Waouh. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en fait toutes ces données de ces gigas, ces teras, ces pétaoctets? Je vais laisser parler après Véronique de la façon dont les données sont disponibles et diffusées. Mais pour ce qui est de la valorisation de ces données, effectivement, il y a un immense travail à faire qui n'est pas fait. Donc, ce qu'on a créé, c'est avec une organisation, un comité interministériel et une espèce d'équipe de France du spatial entre les utilisateurs, les industriels, le CNES. On a créé des accélérateurs d'innovation dédiés qui s'appellent les boosters. Donc il y en a 4 pour l'instant qui fonctionnent en France et là on est en train d'en rollabiliser quelques autres. Donc ça c'est en cours. Et ce qu'on a voulu faire dans ces boosters, c'est justement se faire rencontrer les sciences du numérique avec les sciences, avec les métiers, les besoins des utilisateurs et puis les données spatiales qui sont à disposition. Donc ce qu'on attend effectivement, c'est de gros progrès, notamment dans la façon dont on va travailler, parce qu'en fait, les utilisateurs, ils vont être maintenant submergés par les données, notamment sur la surveillance maritime. Ils ne vont pas pouvoir traiter les opérateurs actuels, qui traitent quand même une bonne partie des données à la main une fois qu'elles sont corrigées. Ils ne vont pas pouvoir les traiter. Donc effectivement, on compte beaucoup sur le développement de ces activités pour optimiser l'utilisation des données. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas encore fait. Hein. Et peut-être tu veux parler. On a besoin de sciences du numérique, là. Oui. Il y a un enjeu big data énorme. Oui, tout à fait. C'est vraiment un gros challenge. Hein. Il ne suffit pas d'avoir des beaux satellites qui tournent ou bien des satellites de Planet Lab, hein, peu importe. Encore faut-il pouvoir récupérer ces données et puis les diffuser et les traiter. Hein. Une donnée brute, personne ne saura comment l'utiliser. elle ne servira à rien. Donc, heureusement qu'aujourd'hui, on a cette révolution numérique qui va nous permettre de travailler avec du big data, du cloud, de l'intelligence artificielle pour traiter ces données. Alors, l'ESA récupère ces données. Après, ces données, elles sont distribuées, je dirais, à la Terre entière à travers quatre hubs, ce qu'appelle l'ESA des hubs, de données qui vont être spécifiques à des certaines communautés d'utilisateurs. Enfin, alors, il va y avoir un hub qui va être pour tous les pays hors Europe, hein, l'international. Il va y avoir un hub qui sera pour toutes les, je dirais, pour les scientifiques et puis un peu le grand public. Alors, celui-là, il est très prisé. Hein, il est vraiment très prisé. Et parfois, il y a du surbooking hein, sur celui-ci. Et puis, on a un troisième hub qui va servir à alimenter des plateformes qui ont été mises en place au niveau national. Certains pays d'Europe, une quinzaine aujourd'hui, ont mis en place des plateformes d'exploitation. Donc, en France, c'est le CNES hein, qui a mis en place cette plateforme d'exploitation. Certains d'entre vous connaissent peut-être cette plateforme d'exploitation pour les produits sentinelles qui s'appelle PEPS. PEPS. PEPS, voilà. Et cette plateforme, donc vous, par exemple, français, vous pouvez vous adresser à cette plateforme pour obtenir vos données. Donc, ça permet quand même de, d'avoir un chemin plus facilité, je dirais, pour l'utilisateur. Et on a un quatrième hub qui est donc l'international. Les services, absolument, Isabelle, pour les services Copernicus. Donc, ce sont eux, ils ont quand même un accès unique pour ces six services Copernicus qu'Isabelle a cité tout à l'heure hein, pour accéder à ces données. Et dernière petite chose, puisque je vous disais, c'est quand même un challenge, hein, l'utilisation de ces données, de cette diffusion de ces données. La Commission européenne a mis en place, justement, consciente de ce défi d'aujourd'hui, va mettre en place ce qu'on appelle des DIAS. Alors, des DIAS, c'est un acronyme encore. Ça s'appelle Data and Information Access System. Et ces DIAS, eh ben, ce sont des grosses plateformes qui vont être des gros PEPS. Voilà, ce sont des gros PEPS absolument qui vont être développés par des industriels européens. Hein. On pourrait presque dire c'est peut-être un petit Google ou un petit, je sais pas moi. Hein. Et ces DIAS, il va y en avoir quatre au niveau donc européen qui sont financés par la Commission européenne et qui vont voir le jour à partir du mois de juin. Donc ils vont archiver toutes ces données. Donc, il y a un gros, gros travail d'archives qui va être pris en charge par ces quatre DIAS. Hein, et qui vont pouvoir, la grosse révolution aussi aujourd'hui, c'est que vous ne téléchargiez pas vos données, mais que vous puissiez les traiter dans cette plateforme. Donc, ces DIAS, ils vont apporter ce qu'on fait déjà un peu sur PEPS, du traitement directement auprès de la donnée. Et ça, c'est très, très important. Et c'est un peu... Vous n'aurez plus besoin de télécharger. Donc, d'avoir une archive, d'avoir un stockage, un besoin de stockage, très important. Alors, PEPS existe déjà en France, donc vous avez bien compris. C'est une plateforme informatisée. Vous pouvez y avoir accès directement par Internet. Là, tout de suite, sur votre mobile, vous pouvez taper PEPS et y aller. Et puis, commencer à faire des recherches sur des cartes et des images. Et effectivement, on comprend qu'il y a un besoin de stockage énorme. Il y a un besoin de capacité de traitement absolument gigantesque, besoin d'algorithmes, énormément d'intelligence derrière tout ça. Et c'est ce que ces DIAS vont proposer finalement. Alors moi, je me disais, mais pourquoi passer par les DIAS si je suis un utilisateur? J'ai qu'à récupérer toutes les données et puis les traiter moi-même. Mais en réalité, il peut y avoir tellement de données et puis les outils sont extrêmement spécifiques. Il faut beaucoup d'argent et beaucoup d'intelligence pour les développer. Donc voilà, tout sera contenu dans ces DIAS. Et alors l'idée quand même, c'est que certains utilisateurs payent l'utilisation de ces DIAS, de ces plateformes, de ces PEPS, de ces futurs PEPS européens. Parce qu'avec tout ça, on a parlé de la gratuité de la donnée, mais à un moment donné, quelqu'un doit payer quand même. Et c'est pas mal que ceux qui en profitent le plus et même gagnent de l'argent avec versent une petite obole au système, non ? Alors, les données, évidemment, elles restent gratuites. Mais si vous voulez faire un traitement sur un DIAS, effectivement, il faudra payer. Et comme il y aura 4 DIAS qui seront en concurrence, en tout cas dans la première étape, chacun va proposer un modèle économique différent. Donc sur certains, il y a des choses qui seront gratuites, d'autres payantes. Donc ça, c'est en cours de définition, donc on ne peut pas en dire beaucoup plus. Mais effectivement, tout ne sera pas gratuit. Oui. Ah, il y a un DIAS dans lequel... Donc vous avez bien compris, hein, ce sont ces plateformes informatisées pour utiliser toutes ces données-là. Il y a un DIAS qui est organisé entre Orange, donc spécialiste, on l'imagine bien, évidemment, du cloud, de la gestion de données, etc. Et puis Airbus, Airbus, n'est-ce pas ? Donc en particulier, tous les systèmes spatiaux Airbus. Hein, l'ancien EADS, c'est Airbus. Donc, je pense que justement, donc on a à la fois le côté numérique et le côté spatial qui se mettent ensemble pour créer un DIAS. Voilà, je crois qu'aujourd'hui... on ne peut plus parler d'une industrie spatiale en tant que telle. Il faut parler en globalité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'industrie spatiale, comme vous le dites, qui va se marier avec Orange, qui va se marier aussi avec des utilisateurs, des sociétés de valeur ajoutée, qui vont permettre de développer un certain nombre d'applications, des applications aval, qui sont en aval des services, des 6 services Core de Copernicus. Donc aujourd'hui, Core, c'est CORE, hein, CORE, oui. C'est les applications, les services noyaux, si oui, je puis dire. Oui, Isabelle en parlera peut-être un petit peu. Mais donc, c'est très important, ce mariage, cette communauté d'industriels qui doit travailler ensemble aujourd'hui, et notamment pour développer toutes ces applications de Copernicus. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'en dehors des services qui sont là, qui ont de Copernicus, il y a une multitude d'applications qu'on ne connaît peut-être pas encore. C'était comme le téléphone portable il y a 20 ans. Donc on ne connaît pas encore, et qui, du fait de cette quantité énorme de données, vont pouvoir s'épanouir demain et dans les années qui viennent. C'est une musique de pub un peu, hein. Ça vous c'est vrai, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Sous le chouette nom de Pepsi, il est une plateforme d'obtention de données et sans modération. Sous le nom de Coca, il est une boisson dont il faut abuser si on veut garder la forme. Bonjour, moi j'étais pas là au tout début de la présentation, donc peut-être qu'il y a eu déjà quelques réponses. Il y en a une au moins d'ailleurs, c'était l'altitude des satellites. Vous avez dit 700 km, je crois. J'aurais souhaité avoir une sorte de petite carte visite du système, c'est-à-dire quelles sont les inclinaisons d'orbite pour savoir si ça passe partout ou si c'est plutôt équatorial ou plutôt polaire. Quels sont les lanceurs, les masses approximatives et la durée de vie de... C'est-à-dire que le système, il est pas expérimental pour faire une mission, mais il est destiné à être pérenne, je suppose. Et éventuellement le prix. Voilà, alors... on a le programme de la prochaine demi-heure. Non, je sais bien, Michel, c'est pour rien. Bon, je ne vous répondrai pas à toutes les questions, mais enfin à certaines quand même. Donc les satellites, oui, puis je vais donner la parole à Juliette qui complétera. Alors, les satellites, les familles des sentinelles 1, 2, 3, 5 et 6, ces satellites sont des satellites en orbite basse. Donc ce sont des satellites qui qui ont une orbite entre 650 km et 820 km, je crois. Hein. Donc ce sont des orbites basses. Oui, Sentinel 6 est peut-être un peu plus haute. Voilà, Sentinel 4, c'est un satellite, c'est une famille de satellites qui sont des satellites géostationnaires, donc une orbite à 36 000 km. Voilà, donc ça c'est pour les orbites. L'inclinaison. L'inclinaison ça c'est Juliette répondra. Durée de vie 7 ans. 7 ans de façon, je dirais, formelle. 10 ans de façon informelle. Hein. Aujourd'hui, 7 ans et plus l'infinité. Voilà, parce qu'il faut, il faut financer aussi la suite, c'est ça. C'est un problème de, bien sûr, voilà, c'est un problème sûr, de financement. De, voilà. Voilà, voilà. Au bout de 7 ans, on se pose la question, on continue ou pas. Voilà, ils sont renouvelés. Comme, bien sûr. Voilà. Donc, voilà quelques informations. Après, les fiches techniques, je les ai. Hein, si vous voulez qu'on se voit après, je pourrais vous donner les fiches techniques. Hein. Juliette Lambin, des informations supplémentaires. Oui, bonjour. Donc, je peux répondre sur les... Donc les sentinelles 1 et 2, donc l'imageur radar et l'imageur optique, sont sur des orbites qu'on dit héliosynchrones, c'est-à-dire qu'elles passent toujours à la même heure locale. Elles tournent autour des pôles, grosso modo du pôle nord au pôle sud, avec une inclinaison pas parfaitement du pôle nord au pôle sud, mais presque, ce qui leur permet de repasser toujours à la même heure locale. Alors pour un imageur optique comme Sentinelle 2, on va chercher à être plutôt à entre 10h et midi, heure locale pour avoir le maximum de jours. Et pour un satellite radar comme Sentinelle 1, on n'a pas besoin d'être jour-nuit. Mais par contre, on va chercher à maximiser la visibilité du soleil pour avoir de la puissance. Donc ça va être plutôt 6h-18h. Sentinelle 4 est en orbite géostationnaire. Sentinelle 3 est en orbite héliosynchrone aussi. Donc toujours 10h d'heure locale. Sentinelle 5, on a dit que c'était du géostationnaire. Orbite basse encore, donc toujours dans cette gamme-là, hein, 700-900 km. Et la petite exception, c'est Sentinelle 6, qui lui est un satellite, comme il cherche à mesurer le niveau des océans, ne veut pas être lié à une heure locale, parce que pour mesurer le niveau des océans, il y a la marée, et on veut pouvoir avoir la marée à différentes phases de la marée, pour pouvoir l'observer d'une part, puis ensuite l'extraire des données. Et donc ça, c'est une orbite très spécifique qui a 1340 km d'altitude et qui est plus inclinée. Elle va moins haut. Elle monte qu'à 66 degrés de latitude. Donc elle n'observe pas les calottes polaires, par exemple. Mais par contre, ça nous garantit une précision de la mesure qui sert de socle au reste. Là, Michel, j'espère que tu es content. Pas complètement. Michel, il est comme le professeur Rollin, il a toujours quelque chose à dire. Exactement. Non, il y avait aussi quelle était la taille ou la masse approximative, c'est pas au kilo près, je veux dire, enfin, l'ordre de grandeur, parce qu'on ne se rend pas compte sur les photos, le type de lanceur utilisé. Et puis, pendant qu'on y est, est-ce qu'il y a eu avoir un effet de série, est-ce que chaque satellite a été conçu séparément ou est-ce qu'on a essayé d'avoir une plateforme commune autant que possible? Je sais que ça a été lancé sur Soyouz et sur Ariane. Voilà. Et sur Vega aussi. Sur Vega, d'accord. Voilà. Sur Rokot, lanceur russe. D'ailleurs, notre prochain satellite, Sentinelle 3B, prévu le 25 avril prochain, sera lancé sur un Rokot, donc de la base de Pletsek en Russie. Voilà, pour les lanceurs. Pour ce qui est de la masse, ça dépend. Sentinelle 2... a une masse de 290 kg. Sentinelle 3 a une masse de 1 tonne. Sentinelle 1, je crois, est aussi aux alentours de 200 kg, je crois, si mes souvenirs sont bons. Plus que ça. Donc, c'est très variable. Michel, j'ai le plaisir de t'offrir ce petit livret, Copernicus, la Terre vue par l'Europe. Voilà. Il ne reste plus que... Bravo. Il n'en reste plus que 5. Là, vous avez compris que j'étais obligé de t'en donner un. Alors, une question, et après, ici. Bonjour. Donc, pour rester un peu dans la question des orbites, j'aimerais savoir le temps de revisite pour ces satellites, s'il vous plaît. Alors, le temps de revisite avec un satellite, par exemple, sur Sentinelle 1, c'est 12 jours. Et avec nos deux satellites, donc nos jumeaux, on passe à 6 jours. Sur Sentinelle 2, on est à 10 jours et donc à 5 jours. Voilà, c'est à peu près... ce que je peux vous dire aujourd'hui. Quelques jours, et évidemment, voilà. Quand on en a deux, on divise le temps par deux. Voilà. Merci. Moi, j'ai une question sur l'aspect sécurité de FEGENES. Donc vous avez parlé de la surveillance maritime. J'aimerais savoir quels autres types d'utilisation de sécurité sont actuellement mis en œuvre. Quels sont vos utilisateurs? Comment vous distribuez les données? Ce genre de choses. Alors, est-ce que vous voudriez peut-être rappeler d'un mot quels sont effectivement les six services qui sont adressés ou mis en œuvre, si je puis dire, par Copernicus. Et parmi ces services, il y a donc le service sécurité. Donc je rappelle, surface continentale, étude des continents, de l'océan, du changement climatique, de l'atmosphère, on est à 4, gestion des risques, c'est-à-dire des catastrophes naturelles, et puis le dernier, c'est la sécurité qui est un peu à part, effectivement. Donc je crois que c'est intéressant, effectivement, d'ouvrir un chapitre là, sur ce sujet de la sécurité. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on fait depuis l'espace en termes de sécurité? Alors déjà, Copernicus est un programme civil sous contrôle civil. Ça, c'est le premier point. Donc il s'agit de sécurité civile. Donc il y a trois services à l'intérieur d'un, en fait, avec des fonctionnalités très différentes et qui ne sont pas confiées au même délégataire. Donc il y a un, il y a la surveillance aux frontières qui est confiée à Frontex, qui est une agence de l'UE. Qui se trouve où, Frontex? Frontex, c'est... Peu importe, c'est pas on oublie, Malte, d'accord. Ou quelque chose comme c'est ça. C'est pas grave, hein, c'est pas grave, d'accord. En tout cas, ce nom Frontex, voilà, ça dit des choses. Ensuite, il y a le... Excusez-moi, qu'est-ce qu'on peut faire? Surveiller les frontières pour voir quoi? Mais en fait, on surveille les routes. Les routes, ouais. Oui. Et on surveille les routes où les migrants passent. Et de fait, d'après ce que nous ont dit les utilisateurs du ministère de l'Intérieur, on arrive à surveiller et à fermer des routes en voyant par où vraiment passent les gens. Parce que quand il y a une grosse quantité de gens, ben, on les voit par satellite. Fermer ou ouvrir, hein, selon la politique du moment. Exactement, ouais. Mais en ce moment, on ferme plus tôt. Ouais. Voilà. Donc la sécurité maritime, qui est déléguée à l'agence à l'EMSA, qui est au Portugal. Et puis l'aide aux actions extérieures de l'Union européenne, qui est pilotée par SATSEN. Hein, l'aide aux actions extérieures, c'est ça votre expression? Oui. Qu'est-ce que c'est les actions extérieures et comment est-ce qu'on peut les aider? Ben, c'est quand la Commission européenne décide d'intervenir quelque part ou d'aider, mettons, un pays africain, et elle demande à ce qu'on active une surveillance de l'endroit qu'elle souhaite surveiller. Mais quand c'est de la sécurité, que ça veut dire en termes de sécurité, surveiller un endroit? Eh bien, surveiller, ben, c'est pas surveiller au sens espionner, on s'entend. Hein. Ouais. C'est regarder l'évolution de la situation. Alors ça peut être l'évolution de la végétation, ça peut être ce qu'on veut, c'est le domaine dans lequel on veut aider. Par exemple, sur aussi des camps, vous allez sur l'installation de camps en Syrie ou sur des problèmes dans des pays en guerre aujourd'hui ou en difficulté. Je sais que ça a été utilisé pour justement regarder un petit peu l'occupation du sol et voir où est-ce qu'on pouvait implanter des camps ou bien où est-ce que les organisations non gouvernementales comment elles pouvaient intervenir. Et alors les militaires là-dedans, tout ça, est-ce qu'ils seraient intéressés par ces images sentinelles? Est-ce qu'ils peuvent y avoir accès tout de même? Ah ben évidemment, oui, bien sûr. Au même titre que tout citoyen européen et même citoyen du monde, on peut dire, hein, a accès à ces données. Oui, tout à fait. Et ça les intéresse en effet, parce que la revisite est quand même très intéressante. La revisite est quand même très intéressante. Et je crois qu'il y avait une question plus précise sur la sécurité maritime, non? J'ai mal compris? Non? Éventuellement, oui. Oui. Il n'était pas contre. Donc oui, les utilisateurs, la sécurité maritime est très intéressée par les données de Copernicus. Hein. La direction des affaires maritimes du ministère, donc, qui est également au conseil d'administration de l'EMSA, donc de l'Agence de surveillance maritime de l'Union européenne, commande pour la surveillance des pêches des données de Sentinel 1. Hein, qui sont ensuite retravaillés. La surveillance des pêches et la sécurité, c'est la même chose? Ça fait partie La surveillance des pêches, ça fait partie de la sécurité maritime. Ah d'accord, d'accord, oui. Parce qu'en fait, on a des zones à protéger qui sont des zones sous pavillon français, toutes les zones, ce qu'on appelle les ZEE, hein, qui sont donc une... Zone d'exploitation, quelque chose. Oui, c'est ça. Oui. Ces zones d'exploitation, je ne sais plus. Économique. Voilà. Exclusive. En tout cas, ce sont des zones qui sont réservées à la France, qui sont autour des territoires français. Comme on a des territoires outre-mer un peu partout, on a une grande zone à surveiller. Et effectivement, ils utilisent les données de Sentinel 1 pour détecter les bateaux qui font de la pêche illégale. Alors c'est plus facile au Kerguelen, par exemple, hein, où on surveille la pêche de la légine. Pourquoi ? Parce que la légine, c'est un poisson. Oui, c'est un poisson. C'est un poisson qui coûte cher. Et dans les Réunionnais, sont, je crois, les pays asiatiques sont très friands. Et donc, les Réunionnais vont pêcher ces poissons-là et donc étaient fort mécontents parce qu'il y avait beaucoup de pêche illégale. Parce que c'est extrêmement rentable, donc forcément, ça attire des convoitises. Vous m'avez dit, une pêche, c'est, gagne 1 million d'euros. Oui, c'est ça. C'est ce qu'on m'a dit la direction des affaires maritimes, ce qui justifie la volonté de braconner, effectivement. Donc, ils ont réussi, grâce à ces données, à capturer un bateau. Donc là, c'est, le bateau est confisqué. Et comme au Kerguelen, vous imaginez qu'on n'y va pas en barque, ça a fait du bruit. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une forte baisse de la pêche illégale dans cette zone-là. Et ce qui a été vraiment très apprécié localement par les pêcheurs, bien sûr. Voilà. Grâce au satellite. Grâce au satellite, oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez parlé de plateformes d'accès aux données et de traitement sur ces plateformes directement. Comment on peut garantir l'intégrité des données, sachant que les données sont traitées directement sur la plateforme? Ça, on peut pas. Enfin, moi, je peux pas trop vous répondre. Hein, je suis pas technicienne sur ce sujet-là, mais il y a effectivement, il est prévu à ce que il y ait des zones privées. C'est-à-dire que vous pouvez avoir votre zone à vous. Vous allez dans cette plateforme, vous aurez votre zone qui sera dédiée. Et qui sera, qui vous appartiendra et à laquelle personne ne pourra avoir accès. Donc, et si vous ne pourrez pas évidemment aller modifier les données, les données partagées. Hein, parce que vous aurez une zone qui sera privative. On ne saura pas ce que vous faites dessus. Si vos concurrents ne pourront pas aller regarder quelles sont les applications que vous êtes en train de prévoir. Mais bon, ça fait partie des spécifications du système. Maintenant, comment ça sera réalisé, bon, c'est pas trop de notre sort. Faut demander à Orange. Oui, on va demander à Airbus. Tout à l'heure, vous parliez en fait du maritime et des océans par rapport à l'analyse en fait des activités humaines. Est-ce que il y a quelques intérêts aussi pour l'aéronautique, comme de la ligne ou du privé ou tout autre type en fait qui sont utilisés avec ces satellites-là? Disons que ce qui est déjà utilisé, c'est quand on recherche un avion, par exemple. On fait appel à toutes les ressources spatiales qui sont disponibles, c'est-à-dire toutes les images partout, on les recroise pour essayer de voir si on trouve des traces de débris, des choses comme ça. L'aéronautique aussi est un gros utilisateur de météorologie, et la météorologie utilise énormément les données spatiales. Hein. Aujourd'hui, on serait nourri de météo bien pauvre si on n'avait pas de données spatiales. Donc c'est au moins deux sujets qui intéressent l'aéronautique. Tout de suite, là, j'en vois pas d'autres, mais oui, si, ce qui intéresserait l'aéronautique, qui n'est pas dans Copernicus, mais c'est le champ magnétique, la surveillance du champ magnétique, et qu'on est en train d'explorer avec l'Agence spatiale européenne. Il y a un trio de satellites qui s'appelle Swarm et qui font ça, mais c'est pas du tout opérationnel, hein, c'est vraiment encore du domaine de la recherche. Tu vois autre chose, Véronique ? Peut-être sur lors des éruptions volcaniques. Je crois qu'il y a eu quelque chose qui a été fait sur le volcan islandais, des études pour voir justement les panaches, hein, de particules, comment elles se déplaçaient, justement parce que ça, il y a eu quand même une grosse perte financière, hein, au moment de cet accident. Les avions étaient arrêtés. Et en fait, on voit je sais qu'il y a des études qui permettent justement de voir comment ces satellites peuvent aider à suivre les panaches des particules émises par les éruptions volcaniques. C'est d'autant plus vrai qu'on a voulu envoyer l'avion de recherche qui est partagé entre Météo France, le CNES et le CNRS pour aller faire des mesures, pour voir si on pouvait ou pas envoyer des avions dans l'air. Et l'avion, il a dû avoir des réparations assez sérieuses après. Alors, on n'a pas répondu sur le coût que tout cela représentait. Est-ce qu'on peut avoir un chiffre ? Alors, Copernicus, depuis le début, c'est... alors, je vous ai dit, hein, on va fêter les 20 ans de Copernicus dans quelques jours. C'est 8 milliards au total qui ont été investis dans Copernicus. Depuis 2000, alors ça a commencé très doucement, hein, 2001, il y a eu quelques sujets de projets de recherche un peu, de précurseurs. Et puis on est arrivé 2005, des accords qui ont été signés, 2008, 2012, des budgets de plus en plus importants, jusqu'à 2014 avec ces budgets de la Commission européenne, hein, qu'on appelle les budgets dans le cadre des perspectives financières de la Commission européenne. Ce sont des programmes qui sont décidés sur 7 ans, donc 2014-2021. Et c'est là où on est vraiment, on a commencé à avoir un Copernicus complètement opérationnel avec un investissement lourd de la Commission européenne, puisque en 2014, la Commission européenne a mis 4,7 milliards sur la table pour 7 ans. Alors, ça concerne aussi bien le développement de toutes les infrastructures spatiales que les opérations des services, que le fonctionnement des services. Mais il faut savoir quand même que ce qui coûte le plus cher dans Copernicus, c'est tout ce qui est infrastructure spatiale. Concernant les services, vous avez dit qu'il y avait un délégataire, au moins un délégataire pour chaque service. Et pour tout ce qui est océan, il y a un délégataire qui est Mercator Océan. En France, hein, c'est pour ça que j'en parle en particulier, et qui, je crois, a eu un contrat de 150 millions d'euros sur 7 ans. Donc voilà, c'est pour... sur ces 8 milliards, il y avait 150 millions d'euros, par exemple, pour Mercator Océan, qui donc traite la donnée océanique issue des Sentinelles. Rebonsoir. J'ai une question de Lise Guerriero sur Twitter qui demande, enfin, qui apprécie beaucoup que les données Sentinel soient mises sur Internet et surtout qu'il y ait beaucoup d'efforts qui soient faits pour les diffuser au grand public et qui demande si c'était possible de faire pareil sur toutes les autres données, notamment du CNES ou de l'ESA, notamment dans l'astronomie. Et c'est vrai qu'on peut imaginer des plateformes similaires pour beaucoup de données d'astro, les données Gaïa, j'en ai plein en tête. Je sais qu'elles sont disponibles aux scientifiques, mais elles ne sont pas diffusées avec autant d'envie vers le grand public. Moi, j'avoue que je ne sais pas trop répondre. Hein. Je ne fais pas de l'astronomie, donc je ne vais pas répondre à la place de mes collègues, mais je ne pense pas. Je regarde Juliette. Je ne sais pas si elle a une réponse Juliette, à donner. Ce n'est pas prévu, les données de Gaïa, parce qu'il y en a... Il y en a beaucoup aussi de Gaïa, hein, c'est gigantesque. Alors, ouais, c'est un peu piégé parce qu'effectivement, la communauté Sciences de l'Univers a des approches assez différentes des programmes spatiaux qui sont plus vus comme des expériences scientifiques en propre avec une finalité d'observer. Alors, dans le cadre de Gaïa, c'est vrai que c'est un nombre aussi considérable de données. À ma connaissance, c'est un énorme consortium scientifique qui vont accéder à ces données pour y faire des traitements, c'est du big data, donc des traitements spécifiques. Donc il y a tout un effort, parce que accéder à la donnée en masse, ça n'est pas physiquement possible, et puis ça n'a pas de sens. Donc c'est probablement une organisation différente de Copernicus, de ce point de vue-là. Par contre, pour les autres missions d'observation de la Terre, mis à part l'imagerie optique haute résolution qui est souvent dans le secteur commercial, la plupart sont en accès relativement ouvert. Les données météorologiques, par exemple, hein, sont accessibles, pas toutes, mais dans l'ensemble, il y en a un grand nombre qui sont accessibles gratuitement, hein, sur le site de MedSat. Et puis, il ne faut pas oublier que les données de Copernicus, elles sont des données dites environnementales. Et les données environnementales, elles sont soumises à la Convention d'Aarhus, et donc c'est aussi pour cette raison qu'elles sont libres, gratuites, échangées, pour une question de transparence. Bonsoir. J'avais une question par rapport au fait de passer par des intermédiaires privés pour traiter les données. Pourquoi est-ce qu'on ne passe pas par un opérateur européen ou même national pour traiter ces données, sachant quand même qu'il y a plusieurs milliards d'euros dans la balance? Et que, enfin, pourquoi redistribuer cet argent-là à Orange, par exemple? Disons que ça, c'est le choix de la Commission européenne. Ce n'est pas le nôtre. Ça, c'est clair. Hein, ça, c'est la première chose. Et sachez quand même qu'il y a un consortium public qui va diffuser ces données, qui est une association entre EUMETSAT, le Centre européen de prévision météorologique à moyen terme, qui est à Londres, et Mercator Océan, qui développe une plateforme. De toute façon, EUMETSAT le fait pour les données météo. Donc ils ont déjà les briques de base et ils vont développer une plateforme qui sera une plateforme publique. Mais c'est l'un des DIAS, ça ? C'est un des DIAS, ah, mais un DIAS d'accord. particulier. Donc à côté de Orange et Airbus, voilà. Vous avez ce DIAS voilà. Medsat. Voilà. C'est important de savoir qu'il y a ce DIAS un peu particulier quoi, qui se met à côté. Après, Copernicus vise aussi, hein, comme on disait, à développer un certain business aussi. Hein. Il y a tout ce qui est public, mais il y a aussi... un des objectifs, c'est quand même que ça vive, que ça se développe. Il y a un certain business qui va se développer. Il y a des applications. Ça va générer des emplois. C'est important. C'est important, ça, pour la Commission européenne aussi, de pouvoir générer des emplois en aval, justement, de tous ces services publics. Leur idée, c'était de mettre en concurrence aussi des DIAS pour avoir différents modèles économiques qui émergent avec des idées différentes, des concepts différents. Et au bout d'un certain temps, ils vont en garder qu'un ou deux. Hein. Il y a cette idée de mise en concurrence qui était importante pour eux, je pense. 4 DIAS et à la fin, on en garde 2, c'est ça ? Oui. D'accord, ok. Plus celui de Medsat, ok. Alors, on a beaucoup dit à quel point ce programme Copernicus était important, hein, 8 milliards d'euros. Il permet à l'Europe d'être leader dans son domaine. On a dit à quel point il était utile. Mais j'ai l'impression que pour s'en rendre compte et pour montrer la diversité incroyable de ce qu'on est capable de faire avec tous ces satellites sentinelles, bah, faut prendre des exemples. Alors, je vous propose d'aller se promener, par exemple, page 6, avec le mont Sinabung. Alors, qu'est-ce qu'on voit, page 6 Véronique Mariette, Isabelle Benezut. Ça, c'est une image donc, qui a été prise par Sentinelle 5P donc le 20 février 2018 et qui nous montre, c'est sur quelle zone ça d'ailleurs ? Ah, le Mont Sinabung, pardon. Voilà, c'est ça. Et donc qui nous montre un panache donc, qui c'est un Sentinelle 5P. Hein, donc, c'est l'air et l'atmosphère. Voilà, 5P. Voilà, c'est l'air et l'atmosphère. Donc c'est un spectromètre UV visible qui est l'instrument donc à bord de Sentinelle 5P et qui va ici mesurer certains composants de l'atmosphère. Et ici on a du dioxyde de soufre, on pourrait aussi avoir du dioxyde d'azote, hein. On a de très belles photos aussi sur l'Europe avec le dioxyde d'azote. Donc vous voyez ici toute la partie rouge et la partie c'est un vol, je ne sais pas si c'est un volcan, ouais. Hein, donc volcan, on voit l'éruption, on voit donc tout ce dégagement hein, de dioxyde de soufre donc, qui se dégage. Ouais. Alors vous aviez envie qu'on ait une photo qui montre, alors on a le dioxyde de soufre là, ouais. Vous aviez envie de montrer du dioxyde d'azote. Alors, on n'a pas l'image là, mais pourquoi ? Parce que c'est une image impressionnante, non, c'est ça ? Oui, parce que je trouvais aussi, enfin j'avais un exemple d'image qui était aussi une des premières images, donc c'est pour ça peut-être qu'elle m'a frappée, ah, oui. Hein, de Sentinelle 5P, et qui est une image bon, qu'on n'a pas pu mettre ici, mais qui est une image sur l'Europe. Et c'est assez impressionnant parce qu'on voit qu'effectivement, qui mesure donc là, le dioxyde d'azote, et on voit qu'il y a deux régions d'Europe qui sont vraiment, qui ont une concentration en dioxyde d'azote très très importante. Sur des taches, qui sont des taches rouges. Ouais, c'est sur ça. Cette image qu'on pourrait faire passer hein, autour des tables. La vallée de la Ruhr en Allemagne, donc le dioxyde d'azote, hein, combustible, combustion fossile. Et activité routière, tout le trafic routier. Et la vallée de la Ruhr, c'est caractéristique et tout à fait en rouge hein, et jaune, donc des fortes concentrations de dioxyde d'azote. Et puis, assez aussi, enfin pas surprenant parce qu'on le sait sans doute, la vallée du Pô, hein, on est dans le nord de l'Italie, qui est une zone très industrielle aussi. Et la France Eh bien, la France, elle est pas mal. Elle est pas mal. La France est pas mal du D'accord. tout. Hein. On n'a pas de rouge en France quasiment. On a que du jaune sur la région parisienne et sur la région lyonnaise. Sinon, c'est bleu. Hein. Sinon, c'est bleu. C'est bleu. On a ce jour-là, hein, attention, hein, c'est D'accord. un jour donné hein, ici. Bien sûr. Je crois que c'était le 13 octobre 2017. Bon, le 22 novembre. On était bien tombés. Voilà. Bien tombés. Voilà. Ouais. Madrid D'accord. est aussi très pollué. D'accord. Peut-être que c'est lié aussi au fait que bah, quand on produit l'électricité en France, c'est beaucoup par du nucléaire hein, et que du coup, il n'y a pas. C'est dégagement. Alors, page 7. Arbuste indésirable, page 7. si vous permettez, oui, juste je vous pour en prie. Dire que toutes ces cartes de suivi de mesures intéressent vivement, évidemment, le ministère et donc les organes officiels hein, qui surveillent la qualité de l'air. Et notamment, on a vu sur, issues de Sentinelle 5, des cartes d'ammoniac. Et ça, c'est vraiment très, très important d'avoir le suivi d'ammoniac pour... ils vont être très contents parce que jusqu'à présent, ils ne pensaient pas pouvoir l'avoir. On avait du mal à avoir l'ammoniac. Voilà, ils n'ont pas grand-chose. Et alors pourquoi c'est important, l'ammoniac ça... Ben, clairement, oui, ça fait partie des choses qui sont très surveillées par eux. Donc, au niveau de la santé, je ne connais pas bien les impacts, mais d'accord. Je ne suis pas une experte. C'est à surveiller, d'accord. Voilà. Alors, page 7. Alors, arbuste indésirable. C'est avec Sentinelle 2, ça a été pris il n'y a pas longtemps, début 2018. Donc c'est une forêt de Finlande qui est en cours de régénération. Il y a des conifères hein, sur cette qu'on a planté là. Et puis on a des densités d'arbustes. Là c'est étonnant aussi, c'est avec Sentinelle 2 qu'on arrive comme ça à déterminer si ici c'est du conifère, ici c'est des arbustes. Bah, c'est une couche, hein, c'est pour ça que c'est des petits morceaux. C'est une couche qui se superpose normalement sur un fond de carte. Et ce qu'on voit ici, effectivement, Véronique l'a expliqué tout à l'heure, hein, qu'on arrive à déterminer les types de végétation de façon assez précise. Et là, apparemment, ce qu'on cherchait, c'était les arbustes qui polluaient et qui empêchaient la forêt de repousser. Et donc ça permet de regarder les zones où ils se trouvent et pour pouvoir éventuellement les arracher. Page 8. Alors, Véronique Mariette, vous allez être contente parce qu'on a à nouveau à gauche, là, de la pollution des centrales électriques en Inde, 10 décembre 2017. Là, la pollution en question, sa nature en tout cas n'est pas spécifiée, hein, mais ça ressemble à ce qu'on a peut-être au-dessus de la Ruhr, hein, on peut imaginer. Alors, page 9, l'agriculture près de Toulouse. On a Toulouse qui est à gauche, et à droite, on a un joli damier de coloré de champs. Oui, alors là, c'est une image de Sentinelle 2, hein, c'est typique, hein, une image donc multispectrale hein, dans l'optique, où on peut voir donc en bas de l'image à gauche la ville de Toulouse, la ville rose, hein, qui apparaît d'ailleurs en rose. Et puis nous avons également tout autour toutes ces zones de culture. Alors vous voyez en blanc, c'est une image de décembre. Hein, donc en blanc, nous avons des parcelles qui ne sont pas en culture, et notamment dans cette région, une culture de maïs qui est très importante. On peut imaginer, hein, j'ai pas le détail, après ça a pu être interprété, hein, donc les traitements qui vont donner lieu à des cartes, que ces parcelles blanches, eh ben, c'est pour une bonne partie, ça peut être des parcelles de maïs qui ne sont pas encore, donc qui n'ont pas encore commencé à pousser, hein, donc voilà, c'est de la terre nue. Par contre, tout ce que vous voyez en vert, ce sont ou des parcelles des prairies, hein, ou bien des bosquets. Il y a pas mal de bosquets aussi que vous pouvez voir en vert, qu'on voit sur cette image. Donc ça vous donne un petit peu... on voit tout de suite le paysage et naturellement, on peut aller plus loin dans le traitement. Hein, on peut aller plus loin après dans le traitement à différencier les types de parcelles, les prairies, etc. Et ça peut vous donner une cartographie de l'occupation du sol. Et pour vous donner un exemple de à quoi ça peut servir, hein, c'est la Commission européenne avec... donc, à la fois l'équipe de Copernicus, mais également les gens qui s'occupent de la PAC, hein, de la politique agricole commune, envisagent d'utiliser les données des Sentinelles pour faire un suivi de la PAC et de son application. Voilà. Ça sera pour donc, la prochaine donc, effectivement, étape. Les agriculteurs reçoivent des subventions. Il y a eu quelques scandales, notamment en Italie, avec des gens qui déclarent des choses qui ne sont pas réelles concernant leurs champs pour obtenir des subventions auxquelles ils n'ont en réalité pas droit. Alors, on peut continuer notre petit voyage et aller page 10, occupation du sol. Et alors là, on a deux images en rose. À gauche, l'image rose, c'est l'image de Landsat. Donc, c'est une image américaine. Et puis, à droite, Sentinelle 2. Alors, j'ai l'impression qu'avec Sentinelle, on a quand même plus de détails qu'avec l'américain Landsat. Oui. Alors, là, il faut quand même regarder la France. Hein. Elle est un peu coupée. Mais c'est pas grave. C'est ce qu'on appelle, c'est une des applications qui est dans le service Surface Continentale hein, de Copernicus, c'est qui Corinne est Corinne Landcover, ça s'appelle. Et donc, ça nous permet d'avoir des... On utilise les données, notamment de Sentinel-2, pour avoir une carte de l'occupation du sol de l'ensemble de l'Europe. Donc on a quelque chose d'homogène, on utilise la même méthodologie, la même nomenclature, les mêmes traitements, et on peut comparer comme ça. Donc là, on a cette carte de la France avec un certain nombre, une vingtaine, une nomenclature en une vingtaine de classes. Et, une vingtaine de couleurs, oui. Oui, et donc de classes d'occupation du sol. Et donc ici, on a effectivement extrait une des parties, on peut descendre hein, en résolution. On a extrait la partie de Toulouse, effectivement, alors avec une image de Landsat 8 qui a une moins bonne résolution, a priori, ou qui a eu un traitement peut-être, je ne sais pas, moins performant. Et Sentinel 2, ici, c'est du 10 mètres qui a été utilisé parce qu'on peut descendre plus en détail. Ils ont peut-être utilisé aussi des données ici complémentaires parce que dans le service Surface Continentale, il y a une composante qui s'appelle locale et qui nous permet d'avoir des cartographies de certaines zones urbaines. Et je pense que ça a été le cas ici. Et pour ce faire, ils utilisent, en plus des données Sentinel-2, des données des missions contributrices comme Pléiade, hein, qui est quand même un satellite extrêmement, qui a une résolution extrêmement fine, puisqu'on peut aller jusqu'à 70 cm, ou SPOT, qui est à 2,5 mètres. Ce qui nous permet peut-être d'avoir ce détail sur cette zone urbaine. Page 11. Là, on est dans le radar, c'est avec Sentinel 1, je suppose, avec un séisme qui s'est déclaré en Iran à la fin de l'année 2017. Oui, donc c'était le 12 novembre 2017 et effectivement, ce sont des données de Sentinel 1. Alors, on voit la petite étoile rouge que vous voyez dans le quart droit, c'est l'épicentre hein, du phénomène. Et vous voyez des lignes donc, d'intensité des impacts du phénomène. Les lignes rouges, c'est ça ? Les lignes rouges, ouais. C'est ça. Et les petites flèches, ça montre le déplacement du sol, dans quel sens il se déplace. Et donc ça, c'est grâce à des données de Sentinel 1. Et on a les caractéristiques du tremblement de terre dans le petit carré en haut à droite. Je suppose que ça, c'est une carte qui est réalisée évidemment en radar, mais en faisant une sorte de différentiel entre deux cartes, c'est-à-dire il y a une carte avant, une carte après, et on les compare pour voir comment le sol a bougé entre l'avant et l'après. Et là, on a la différence entre les deux d'une certaine manière. On peut imaginer ça ? On peut imaginer ça, oui. Non, mais oui, l'avantage des données Sentinel, c'est que comme elles sont régulières, même si on n'a pas prévu le tremblement de terre, on va avoir des données de l'état avant. Ça, c'est certain, puisque tous les 6 jours, tous les 10 jours, on repasse au même endroit. Et donc, on peut effectivement comparer ces données avec celles qui sont suite au tremblement de terre. C'est l'avantage d'avoir des données en continuité qui nous permettent de remonter dans le temps, même si on l'avait pas prévu, en fait. C'est ce qu'on peut appeler le mode aussi interférométrique. Hein, voilà. Interférométrie, exactement. Page 11, les incendies au Portugal. Là aussi, c'était tout récemment, c'était l'été dernier. Ça, c'est Sentinel 3, donc c'est très facile à voir. Hein. C'est-à-dire, vous avez la carte avant, après l'incendie, et donc les zones qui ont été touchées par l'incendie sont naturellement en noir, hein, sur la carte de droite. Et donc, on peut les identifier clairement et avoir un état des lieux de ce qui s'est passé et des conséquences de l'incendie. Et en blanc, bien sûr, à droite, ce sont des nuages, hein, on peut penser. Alors, page 13, décharge de pétrole en mer. Alors là, elle est vraiment impressionnante, l'image de gauche. On voit tout en bas à droite de la tache noire, de la longue tache noire, on voit un petit point blanc. On peut supposer que c'est le navire responsable ? Oui, on peut le supposer. Après, la difficulté qu'on a par rapport à ça, c'est de l'identifier, ce navire responsable. Hein. C'est pas le tout de l'avoir en photo. Là, on voit pas ses caractéristiques, donc il faut aller... Mais ça, c'est typiquement des choses qui intéressent la surveillance maritime, parce qu'on voit, très bien les gens qui se comportent mal. Hein. Donc il y a une différence de rugosité entre la mer et la tache d'huile. Hein. Et donc on arrive à identifier très facilement... Ça, c'est du radar, alors C'est du radar, oui, d'accord. Tout à fait. Donc tout là, la tache d'huile, effectivement, c'est la mer d'huile, ça ne bouge pas du tout. Il n'y a pas de vague et du coup, ça se voit bien. Voilà. Ouais. Et quand il s'agit d'un accident avec une pollution en mer très importante, bon, on peut, à partir de là, en déduire le déplacement en croisant ces données avec les données que l'on peut avoir sur le service marin de Copernicus. Et justement, sur cette image, je me demandais par rapport, parce qu'il y a beaucoup d'algorithmes maintenant qui existent pour détecter des choses et tout ça. Mais sur un type d'image, quand on voit l'image de droite et l'image de gauche, c'est détecté parce qu'on a eu l'information avant qui nous dit « regardez à tel endroit » où il y a des systèmes qui permettent justement de se dire ben voilà, par rapport à l'image, par rapport au contraste ou quoi que ce soit. Automatiquement, c'est un schéma, évidemment je sais que ça zoome pas automatiquement, mais de se dire ben voilà, on l'a repéré sans avoir eu l'information au préalable. Alors, il y a plusieurs cas. Disons que là, on voit qu'il y a une pollution qui est quand même assez importante. Et comme les données sont prises de façon systématique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il se peut que la surveillance maritime italienne ait demandé a posteriori un retraitement des images pour voir ce qui s'était passé. Ça, c'est possible. Parce qu'effectivement, on ne surveille pas tout le temps en temps réel. Et c'est pour ça qu'on aurait besoin d'algorithmes, parce que là, ça deviendrait possible de le faire. Donc la police constate un dégazage finalement sur place, il y a des boulettes de fioul qui arrivent sur les plages et là elle peut demander bah, qu'est-ce que vous avez vu dans la dernière semaine, est-ce qu'il n'y a pas une image, et donc là on sait où chercher finalement. Oui, dans ces cas-là on sait où chercher, ou si quelqu'un l'a signalé pour une autre raison, un autre bateau, ça arrive aussi. Au niveau des images qui sont prises, elles ont toutes la même définition et du coup on peut zoomer comme on veut à partir de l'image de base. Où en fait, comme on dit que les satellites ont une résolution jusqu'à 60 cm, jusqu'à 2 mètres, quand ils tournent et qu'ils prennent les photos, est-ce qu'on peut avoir une résolution en grossissant comme ça quand on veut à partir de la photo initiale, ou est-ce qu'à des moments il faut demander une résolution en amont plus précise pour anticiper ça ? Non, on ne peut pas demander en amont une résolution plus précise pour les sentinelles. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est demander sur une zone, bon, Véronique va en parler, mais on peut demander à une mission contributrice de faire une image plus précise, parce que justement, on a identifié qu'il y avait un petit truc qui ne nous plaisait pas, et c'est donc l'intérêt d'identifier, grâce à ces données, des changements qu'on aperçoit, et pour lesquels on peut après demander une image plus précise. Bon, les images qui sont prises par Sentinel, elles ont à peu près tout le temps la même résolution et la même précision, mais on ne peut pas demander à un moment donné qu'elles soient plus précises. Ça, les Sentinelles, ils ne savent pas faire. Oui, juste pour compléter, ici il s'agit d'une image Sentinel 1, hein, donc une image radar. Il faut savoir que Sentinel 1 a plusieurs modes d'acquisition, hein, plusieurs modes d'opération. Et effectivement, on a un mode interférométrique, où là on a une résolution de 5 mètres sur 20 mètres avec une fauchée qui est à peu près de 250 km. Et puis on a un mode aussi, ce qu'on appelle le strip map mode, qui est beaucoup plus précis, qui est à 5 mètres sur 5 mètres, mais avec une fauchée de 80 km. Donc après, et puis il y a aussi un mode beaucoup plus large, hein, qui est l'extra mode, qui lui est à 20 mètres sur 40 mètres à peu près, avec 400 km de fauchée. Donc on va couvrir une zone plus importante. Il faut savoir que plus notre résolution au sol va être fine, plus notre fauchée, hein, c'est normal, va être réduite. Sur le Sentinel 1, c'est un Sentinel qui est programmable. Hein. C'est-à-dire qu'on peut se dire, voilà, on voudrait avoir des données avec tel mode d'acquisition sur telle zone à telle période. Hein. Mais la programmation, elle n'est pas très flexible. Elle doit se faire longtemps en avance. Alors que, par exemple, sur des satellites comme Spot, qui a été un satellite, on pouvait programmer très facilement, hein, 24 heures avant. Là, on ne va pas pouvoir changer facilement la programmation, donc la prise de vue avec le bon mode avec Sentinel-1. Mais voilà, on voudrait, dans les améliorations futures, aller vers cette évolution-là. Parce qu'elle est très, très demandée par les utilisateurs. D'autres interventions peut-être ? Alors oui, je vous en prie, bien sûr. Bon, avant qu'on continue à feuilleter notre livret. Alors pour ces applications qui sont plus de l'ordre de la surveillance d'événements particuliers, comme sur le navire qu'on avait vu ou sur l'éruption du volcan, on voit qu'en fin de compte, les satellites ne sont pas si bien adaptés que ça, parce que déjà, ils ont un temps de passage de 6 jours au-delà de la sur la zone. Et puis, ils ont une résolution qui n'est pas forcément la plus adaptée. Je sais que sur les ouragans précédents aux États-Unis, par exemple, la NASA avait employé des drones Global Hawk pour faire le monitoring des ouragans Matthews et Cristobal, par exemple. Est-ce qu'on peut envisager l'utilisation de pseudo-satellites ou de drones HAL, haute altitude longue endurance, pour la surveillance d'événements très particuliers qui sont courts et qui nécessitent une intervention rapide? Alors, pour ce qui concerne ce que fait la NASA dans les cyclones, effectivement, ils envoient des drones qui sont... Mais c'est des drones quasiment militaires, hein, donc c'est pas des drones classiques, sinon ils seraient en mille morceaux. Donc ils ont deux types d'interventions. Ils vont à l'intérieur du cyclone pour me faire prendre des mesures. Et ils envoient des drones traverser l'Atlantique pour aller voir à quel moment les tempêtes au large du Portugal, les tempêtes se dessinent et se créent pour essayer d'anticiper les problèmes qu'ils vont avoir en Floride. Voilà. Donc ça, eux, ils font ça. Nous, on le fait pas, mais c'est une question de moyens. Et puis on est quand même moins touchés par les cyclones qu'ils ne le sont. Je pense que c'est une question de moyens. Par contre, sur les zones, chaque fois qu'il y a une inondation, etc., le ministère fait faire des photos aériennes. Et je pense qu'on... Avion, vous voulez dire, ou avec drone? Avion, ouais. Avion. Et drone aussi, on est en train de regarder comment faire. Et sur Copernicus, c'est prévu aussi. Ouais. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a des capteurs, et ces capteurs, ils sont sur différents vecteurs. On a le satellite, évidemment, qui est irremplaçable. On ne va pas faire avec ce qu'on fait avec du satellite, on ne le fera pas avec des drones, parce qu'on n'aura pas la fauchée, on n'aura pas, etc. Hein. Et en revanche, effectivement, dans d'autres domaines, on peut avoir besoin de drones, on peut avoir, pour transporter des capteurs, pour... remplir les manques, si je puis dire, des satellites. Effectivement, c'est une fois tous les 5 jours. Oui, justement, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'effectivement, c'est important de dire, moi, ça me paraît très important, que les satellites, ils font pas tout. Et qu'on peut vraiment, on a besoin des satellites, parce que c'est un outil phénoménal, le satellite. Hein, ça nous donne des informations partout dans le monde. Enfin, c'est extraordinaire. Mais il faut utiliser d'autres informations. Et notamment ce qu'on appelle ces données in situ. Et dans Copernicus, c'est vraiment important. Elles sont intégrées, elles sont, ces données in situ. Ces données in situ, ouais. Elles sont intégrées. C'est des données de bouées qui sont sur la mer. Vous savez, il y a un nombre très important de bouées qui vont prendre des tas de mesures, de température, de vent. Notamment des bouées qui sont capables de plonger par elles-mêmes, voilà, de rester un certain temps au fond de l'océan, prendre des tas de mesures, de température, de salinité, etc. Voilà. Et de revenir à la surface pour envoyer leurs données par satellite. D'ailleurs. Absolument. Des données de ballons. On envoie des ballons qui prennent aussi qui ont des capteurs, donc qui prennent des mesures. Et puis il y a toutes les données aussi qui existent. Ça peut même être des données statistiques, des données. Il faut compléter ces informations que donne le satellite. Et Copernicus en tient compte. Et souvent, on se sert aussi de ces données pour calibrer le satellite. Donc on en a besoin doublement. Alors on continue notre petit tour peut-être. On était page, je vous en prie, on était page 13. Et alors on va aller voir du côté de Saint-Martin, de l'île de Saint-Martin, et puis après l'ouragan Irma. Donc c'était en septembre 2017. Et là on voit bien quand même l'évolution, page 14. Entre l'avant Irma, où on voit les petites voitures blanches, elles sont bien rangées les unes à côté des autres. On a une piscine toute bleue. Et alors ensuite, après le passage d'Irma, on a effectivement des toits qui sont, des maisons qui sont éventrées, les voitures éparpillées. Et puis ensuite, 3 mois après Irma, là, il y a apparemment un certain retour à la normale. Alors la végétation n'est pas revenue, hein, elle a été vraiment détruite. Mais les toits, les voitures, c'est les signes que moi je vois comme ça, sans être du tout un spécialiste. Qu'est-ce qu'on peut dire là sur une image comme celle-là? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est c'est pas une application directe là de Copernicus, mais ça va être pris. La suite va être faite dans le cadre du service urgence de Copernicus. C'est un travail qu'on a fait très rapidement nous au CNES, avec une société d'études qui s'appelle le CERTIT, qui est basée à Strasbourg. Et c'est fait avec des images, ici ce ne sont pas des images des données Sentinel, ce sont des données Pléiade. Hein. Je vous ai dit, ce sont des données qui sont utilisées en complément. Donc on voit bien, on a une résolution très fine, hein, avec Pléiade, on est à 70 cm. Donc c'est pour ça qu'on a cette qualité aussi, cette information, cette précision. Donc effectivement, avant Irma, après, ben, vous voyez avec tous les toits notamment, on voit dans les toits, vous voyez des espèces de petits trous, c'est tous ces toits qui ont été détruits, comme disait Paul de Brême, on voit toutes ces voitures, plus de végétation. Et puis, c'est un travail qui a été fait pour le comité interministériel qui voulait suivre l'évolution de la reconstruction post-Irma. Et on voit donc en décembre qu'un certain nombre de toitures, notamment, ont été reconstruites déjà. Donc on peut suivre l'évolution des travaux et l'évolution du post-crise, je dirais. Ça, c'est très, très important. Et ce travail, maintenant, va être pris par le service Emergency, donc urgence de Copernicus, qui va continuer jusqu'à 2019 à suivre la reconstruction de l'île Saint-Martin en utilisant donc des images satellites. Donc ça, c'est le genre d'images qui sont utiles aux autorités pour suivre la reconstruction et agir si on voit des manquements et des problèmes. C'est utile, disons, doublement. D'abord, c'est utile pendant la crise, pour avoir une estimation très rapide des dégâts, hein, comme l'a dit Véronique, on voit tout de suite. Et vous avez une autre carte qui montre bien tous les dégâts, qui est bien une carte Copernicus, celle-ci, c'est la 16. Alors, là, oui, c'est Pléiade encore. Hein. C'est Pléiade, oui. mais c'est pareil. Et c'est Copernicus, parce D'accord. qu'en fait, Copernicus, pour le service Emergency, commande, donc urgence, il commande des images et il planifie des images, des prises de vue plus précises que ce que fournit Copernicus de façon générale. Et là, donc, ils ont demandé des images Pléiade, hein, qui ont été commandées et qui ont permis de voir, donc, en rouge, les bâtiments détruits, en orange, ceux qui sont fortement endommagés, et en jaune, ceux qui le sont peu. Donc ça, c'est important parce que les secours, tout de suite, ils ont une idée des endroits qui ont été le plus touchés et sur lesquels il faut intervenir le plus rapidement. Et ensuite, dans la deuxième phase, on voit ce qu'a montré Véronique tout à l'heure. Donc, la slide 15, la page 15. Vous voyez, suivre la reconstruction, ça n'intéresse pas les mêmes services de l'État. Hein, l'urgence, c'est plutôt la sécurité civile. Et puis, au ministère aussi, on a une cellule de crise, notamment pour les transports, hein, pour vérifier les routes qui doivent être dégagées, celles qui doivent être sécurisées en priorité, par où les secours peuvent passer. Et ensuite, c'est le suivi de la reconstruction qui est très important au niveau des politiques publiques. C'est-à-dire l'État se préoccupe de savoir à quelle vitesse les choses avancent ou n'avancent pas, et s'il faut agir ou pas particulièrement. Alors, on va bientôt se quitter. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? Puis moi, j'ai une dernière question aussi pour vous. Il faut parler d'avenir. Ah oui? Oui? Non, je t'en prie. Gagner ta liberté, tu te donnes du mal, et que tu dois quitter ton propre pays natal. Ne prends pas les grands axes, ils te seront fatals. Général Copernicus coopère, mais si dans ton pays tu as trop souffert, il ne sert à rien d'en vouloir à ton père. Copernicus t'arrêtera à la frontière. C'était un petit peu la tonalité de tout à l'heure. Hein. C'est vrai, c'était un petit peu la tonalité de tout à l'heure, mais on peut imaginer aussi exactement le contraire, ouvrir des routes si on le souhaite. Est-ce que vous croisez les données d'autres programmes d'observation comme Pléiade ou Spot, en dehors du cas de la charte des catastrophes naturelles dont vous parliez tout à l'heure? Et si oui, est-ce que vous envisagez, s'il y a tout le traitement derrière du Big Data, est-ce qu'il n'y aura que les données de Copernicus, mais aussi d'autres programmes européens? Bien sûr, on utilise toutes les données dans Copernicus. Copernicus, je dirais, les autres missions font partie de Copernicus. Ce ne sont pas les sentinelles, les missions dédiées de Copernicus qui sont financées par Copernicus, par le programme Copernicus. Mais naturellement, on utilise toutes ces données. C'est ce qu'on appelle les missions contributrices. Hein, on en a déjà parlé. Il y a Pléiade, il y a Spot, mais il y a toutes ces données radar comme TerraSarix, Cosmos Caïmed, Deimos. Il y a toutes ces données peuvent être utilisées en complément des données Sentinel pour fournir l'information la plus pertinente possible à l'utilisateur. Alors, est-ce qu'on peut parler d'avenir là pour se quitter? Parce que je l'ai indiqué tout à l'heure, on est un peu à la croisée des chemins là. Le grand programme Copernicus a été lancé, mais on est à un moment où les financements doivent être renouvelés. Je crois qu'on a des financements pour Copernicus jusqu'en 2021. Et en 2019, on a une conférence interministérielle au niveau européen. Donc les ministres de l'espace se réunissent, discutent. Et puis il faut prendre une décision. On continue ou on continue pas. Quelle est la position de la France là-dessus? On continue, j'imagine. Je ne demande pas de parler à la place du ministre. Mais je ne parlerai pas ni à la place du ministre ni à la place du CNES, parce que c'est d'accord. Quand même la politique du CNES. Mais je n'envisage pas qu'on arrête. D'accord. Ça, c'est votre avis personnel. OK, voilà. Parfait. Voilà, je vais compléter, je vais aller dans le sens d'Isabelle. Donc moi, je crois que je peux dire au nom du CNES qu'effectivement, c'est un programme qui fonctionne, c'est un programme qui est opérationnel, qui est connu dans le monde entier, qui apporte des informations. C'est ça l'important, hein, c'est ça l'important. Et pour qu'il soit opérationnel, eh ben, il faut qu'il continue. Donc effectivement, sinon, il n'y a pas d'opérationnel derrière. Donc il faut qu'on assure à l'utilisateur la continuité des données pour qu'il puisse, s'il investit quelque part, il faut qu'il investit sur le long terme. Sinon, ça ne sert à rien. Donc effectivement, une conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne en 2019 qui va décider de financer notamment peut-être les prototypes, les futures sentinelles, parce que celles qui sont là aujourd'hui, elles ne suffisent pas et maintenant on a besoin d'autres types de données. Donc on va peut-être développer à partir de 2025 d'autres sentinelles qui vont compléter les 6 familles. On aura peut-être Sentinel 7, Sentinel 8, Sentinel 9, je ne sais pas, ça dépend de l'argent qu'on aura. Et puis en 2021, la Commission européenne va aussi financer sur les 7 prochaines années la suite de Copernicus. Est-ce qu'on a une idée des besoins en financement pour les années futures, pour avoir cette vingtaine de satellites vers 2030? Vers 2030, c'est à peu près la même chose que ce qu'il y a eu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire 7 à 8 milliards. 7 à 8 milliards, d'accord. Bon, on a un rendez-vous bientôt. C'est le mardi 15 mai pour le prochain Mardi de l'espace. On va parler des lanceurs du futur, donc venez nombreux, ça va être passionnant évidemment. On va parler des moyens d'envoyer dans l'espace des satellites, des sondes et puis des hommes et des femmes. Alors avec Copernicus, on l'a bien compris, on est face à un programme absolument gigantesque. C'est 8 milliards d'euros qui ont été investis, 20 satellites en 2020, on peut l'imaginer. Avec un petit défi là quand même, c'est que toutes ces données gigantesques, il va falloir les traiter, les utiliser, être capable de les valoriser, de produire de la richesse avec, ce serait, et créer de l'emploi hein, évidemment, et puis créer de l'usage bien sûr. Mais avant toute chose, on a quand même une Terre qui se porte pas si bien et on a besoin absolument de prendre son pouls, de la cocooner, de savoir comment elle va et puis d'agir. Et quand on voit effectivement la population mondiale qui va énormément augmenter dans les années, décennies à venir, on a besoin, je crois quand même, on s'en est rendu compte évidemment, on a besoin de Copernicus. Merci de nous en avoir convaincus, merci d'avoir été avec nous, merci infiniment à toutes les deux, donc Véronique Mariette et Isabelle Bénézette. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Mardi 15 mai, lanceurs du futur. À très bientôt. Au bar des sciences, chacun nourrit sa pensée. Et chacun nourrit sa pensée.